Eh bien, salut tout le monde! Bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro, toujours un plaisir, comme ça, à chaque semaine, à vous parler et vous partager la belle musique franco-canadienne d'un bout à l'autre du pays. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai? J'ai du Michel Thériault, Vichten, Annie Blanchard, l'album La Semaine, Lira Swamp, Vivre en ville, excellent album, vous allez voir. On entendra également du Moonflow, du Christine Saint-Pierre, Stéphane McNichol, une nouveauté. J'ai un petit spécial Christine Tassan et les Imposteurs en instrumental. Et on va entendre du côté de l'Ouest de la musique de René Lamoureux, Jocelyne Baribeau et Sophie Villeneuve, entre autres. Donc restez là, je vous reviens dans quelques secondes pour le début de l'émission Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec le bloc des Maritimes. Bonjour, bienvenue à Canrock, ici Lalonde des ondes, très content d'être là. Comme à l'habitude, en début d'émission, je tiens à remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne d'un bout à l'autre du pays. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada, merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CKGM Chéticamp, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. CKMA Miramichi, Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie, en Ontario. Il y a Envol 91, Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, CLS Victoria, Colombie-Britannique, et CIVR, Irlandaise, territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Laissez-moi leurs coordonnées à Canrock, CDN, au commercial, gmail.com. Allons-y avec le bloc des Maritimes. Très content de vous parler du prochain produit. J'ai hâte de le recevoir dans mes mains. Ça est lancé cette semaine, là. Je parle bien sûr de M. Michel Thériault qui lance un nouvel album, Le sage et le fou, hein, c'est bien Michel Thériault, ça, là, c'est celui qui se nomme le maître du pop moutarde. Toujours un plaisir de rencontrer ce gars-là. Il fait de l'excellente musique avec des textes quand même qui nous font réfléchir, mais d'autres textes qui nous font énormément rire. La preuve, je vous envoie tout simplement les galettes à mes mères et puis je peux plus, c'est vraiment une touche d'humour assez spéciale, vous allez voir. Donc Michel Thériault, voici un petit doublé avec grand plaisir. Du sirop de maïs, huile de palmiste, glucose, fructose, puis de la dextrose, des émulsifiants, des colorants. Bye. potassium, phosphate, d'aluminium. Depuis que je me savonne avec du savon, le bedon, le menton et le trognon, je ne pue plus, je ne pue plus, je ne pue plus, je ne pue plus, je ne pue plus. Depuis qu'à tous les jours je change de bas, c'est beaucoup mieux qu'une fois par mois. Je ne pue plus, je ne pue plus, je ne pue plus, je ne pue plus, je ne pue plus. Depuis que je m'apparfume avec du patchouli, les aisselles, le nombril et le zizi, je ne pue plus, je ne pue plus. Je ne pue plus, je ne pue plus, je ne pue plus. Je n'ai plus aucune odeur corporelle. Depuis que dans mon bain je mets de l'eau de Javel, je ne pue plus, je ne pue plus, je ne pue plus, je ne pue plus, je ne pue plus, je ne pue plus, je ne pue plus, je ne pue plus, je ne pue plus, je ne pue plus, je ne pue plus. Du tout, du tout. Et oui, comme vous pouvez voir, c'est toujours un plaisir d'aller voir Michel Thériault en spectacle. On ne s'ennuie jamais et le monde apprécie énormément. Encore une autre fois, merci énormément à Michel Thériault de nous sortir un nouvel album, un album double, Le Sage et le Fou. Et merci d'être l'unique maître du pop moutarde, comme qu'il se nomme. C'est toujours un plaisir de croiser ce gars-là. Et c'est aussi un plaisir d'écouter sa musique. Donc, Le Sage et le Fou, ça s'en vient très, très bientôt, là. Avec grand plaisir, on va vous faire entendre sa musique. Avec grand plaisir, bien, premièrement, je vous invite à aller faire un tour sur ma page Facebook de CanRock pour beaucoup d'informations, hein, CanRock, C-A-N, trait d'union, R-O-C-G-A sur Facebook. Et j'ai appris cette semaine que le groupe Vichten est en studio pour son sixième album, prépare son sixième album chez le studio de La Poule à Colin, le studio du Chemin 4. Voici deux chansons de différentes époques de Vichten, « Mariez-moi » et « Terre rouge ». son amant lui raconte son histoire. Marions-nous maintenant que j'ai fait consentir ma mère. L'amant pour la récompenser lui donne pour gage un doux baiser. Marions-nous, soyons heureux et tu fileras si tu veux. Toujours tourner, toujours filer, c'est un métier qui me fait ennuyer. Ah si vous ne me mariez pas, ah non je ne filerai pas. Je ne filerai pas. Si vous ne me mariez pas, ah non, non, je ne filerai pas. Ah si vous ne me mariez pas, ah non, je ne filerai pas. On va terminer notre bloc des Maritimes avec Annie Blanchard et une nouveauté, un premier extrait d'un nouvel album, un album de classique francophone country qu'elle reprend. Elle a fait ça chez M. Béliveau, Georges de son petit nom. et ça paraît parce que ça a du punch et c'est très intéressant. C'est un beau country, solide, bien fait. Annie Blanchard, c'est la saison. Vous allez reconnaître la chanson, ça c'est certain. Par la suite, on va entendre une nouvelle version de Acadie de nos cœurs. C'est considéré, cette nouvelle version-là, comme la chanson thème du Congrès mondial acadien 2019. Bon, dans 484 jours, ça sera le Congrès mondial acadien de l'Île-du-Prince-Édouard et du sud-est du Nouveau-Brunswick du 10 au 24 août 2019. Et un collectif a repris ce classique de l'Acadie, Acadie de nos cœurs. Et on va terminer ça avec Si longtemps séparés de Willin Thibodeau et Méchant Macro. C'est le temps pour se revoir, chanter, danser ensemble. tout commencé, plus de 400 ans passés. Acadie de mon cœur, enfin c'est ton heure, tes enfants reviennent dans tes bras. Acadie de mon cœur, enfin c'est ton heure, tes enfants reviennent dans tes bras. Viennent du nord et de l'est pour fêter la joie de vivre, viennent du sud et de l'ouest, attirés par les racines. Et t'es mon frère, t'es ma sœur, je t'ai point connu jusqu'à ce temps. Je peux voir dans tes yeux comment t'as pas pu oublier. Acadie de nos cœurs, enfin c'est ton heure, tes enfants reviennent dans tes bras. Acadie de nos cœurs, enfin c'est ton heure, tes enfants reviennent dans tes bras. La douleur du départ et les larmes déjà versées s'oublient dans la joie que l'on prend à se retrouver. Je vois même qu'on se ressent quand l'Acadien joue du violon et le Cajun l'accordéon. Cher Acadie, je pense souvent à toi, mais je ne peux pas me détacher du pays où je suis né. Ceux qui ne sont pas Acadiens ne peuvent pas comprendre qu'est-ce que c'est. Et les pieds en Amérique. qu'ils